Ne t'en va pas, enlace-moi, serre-moi tout contre toi. La nuit est froide, sans étoiles, mon cœur t'illuminera. Amoureux, simplement, je te livre mes sentiments. Déshabille-moi en douceur, ce soir apprends-moi par rien. Rien n'importe plus à mes yeux maintenant que celui d'exaucer mes vœux. En silence, j'ai longtemps refoulé, sans guère y arriver. Yeah, mon envie de t'approcher. S'aimer demain est proche, bien trop proche. Ne perdons plus notre temps, amoureux. Simplement, je te livre mes sentiments. Effleure-moi fiévreusement. Ce soir, je t'apprends par cœur. Rien n'importe à mes yeux maintenant que celui de te rendre heureuse. Hey, hey, non, non, en silence. Sens-tu la fièvre qui me consume? Dis-moi, la sens-tu? Seconde après seconde.